Salut à toutes et à tous, on va se marrer. Ouais. Oui, alors à ma droite, comme chaque semaine, des équipes. À ma droite, le Jurassic. À gauche, il n'y a pas d'équipe. Si, mais on fait le tour d'abord. D'abord la droite. À gauche, il s'en fout. Alors, le Jurassic Park des ondes, le Triceratops il de la pas FM. Mort non, pas du tout. Bob du club. Ah. Bonsoir. Bonsoir les filles. Ses fans sont morts. Oui, salut la vieille. Les fans sont morts, presque toutes. On est très content car il est avec nous ce soir pour des blagues inédites. Oh, Maurice. Salut à tous. Alors Maurice, comme d'habitude à ses côtés, a le spécialiste des blagues mignonnes et misogynes. Il est également comment dire, attaché de presse de la mairie de Paris. On le salue. C'est GG. Elle a bien aimé la dernière émission, la mairie de Paris. Oui, elle a bien aimé. Tu nous diras ce que tu penses de l'installation dans le 16e du centre de SDF. Oui, ah, bah, oh là, elle voulait construire des HLM avenue Foch, cette grosse vache. Oh là là, heureusement qu'on l'a pas cité. À ses côtés, il nous prépare sa chronique chaque semaine, mais bon, on est obligé. Très mignonne aussi. Émeric Degui. Salut, bande de gauchistes. On attend son grand retour dans le bol de chips, Frédéric Coster. Ça fait 10 ans, ça. Et on n'a même pas commencé que le bol est plein. L'émission sera réalisée par Davy. Et animée par Philippe Bélo. Oh la vache. Je m'excuse. Alors, cher Frédéric, t'as convié à cette émission un invité. Et alors ? Tu te démerdes. Ah ben non, on a dit des choses gentilles sur toi. Ouais, c'est ça. Ouais. On n'a pas dit que tu étais en train de te baffrer, on a dit que tu étais en train de bouffer il les choses. Il a rien. Mais heureusement qu'on a un invité charmant qui vient nous voir. Il est tout jeune, il vient nous présenter son spectacle, il s'appelle Alexandre Grave. Ah, bonjour Alexandre. Bonjour. Ah oui. S'il est bien là, c'est grave. Alors Alexandre. Je suis sûr qu'il en a jamais entendu aucune de mes chansons. Jamais, on me l'a jamais faite. Alors Alexandre, promo par Maurice. Alors Alexandre, son spectacle, c'est « Rien de grave ». Et ah c'est tous les jeudis à la cible à 19h. Ah, où ça, à la cible. À 19h. La cible à Paris. Mais c'est où la cible? Alors, c'est dans le 9e arrondissement à Paris. C'est rue Jean-Baptiste Pigalle. Ah non, Pigalle. Pigalle. Ah non, si tu dis la cible, tu dis Pigalle. Oh, vous n'allez pas m'emmerder déjà. Déjà, dès le début de l'émission. Si, si. Il a bossé quand même, il a bossé. T'as vu, il a bien révisé. Hein. Ah. Bon, Alexandre, alors c'est quoi ce spectacle? C'est des sketchs? C'est du stand-up? Gueule-le aussi, Blanquier. Dis-nous tout. Alors ouais, c'est un mélange. Il y a du sketch, il y a beaucoup de stand-up. Oui. Il y a plutôt 3 sketchs. D'accord. Et le reste, ouais, c'est du stand-up. Et l'idée, c'est vraiment partir dans un délire. J'emmène les gens un peu dans ma tête. Oui. Et du coup, je parle de ce qui me fait rire. Ça peut aller de la vie tout seul, de célibataire, dans un 11 mètres carrés. Ah. Ah, c'est compliqué. Ah bah oui, c'est ça, oui. Voilà. Mais ça peut aller aussi, il y a d'autres trucs. Le Moyen-Âge. Ah oui. Pourquoi le Moyen-Âge? Pourquoi le Moyen-Âge? Parce qu'il y a plein de choses marrantes. Il y a c'est vrai. Il y a Bob. Il y a Bob. Il me fait. C'est un petit guest dans mon spectacle. Ah, tu pourrais y aller, Bob, c'est vrai, dans le spectacle pour faire une apparition vite fait. À l'époque, il avait encore son titre de noblesse. Qui? Bob. Ah? Bob du club, vicomte de Mortecouille. Ah oui. Eh oui. Bon, alors, c'est ton premier spectacle? Oui, c'est mon premier spectacle, oui. Avant, t'as fait quoi? T'as fait des scènes ouvertes peut-être? J'ai fait des scènes ouvertes, ouais. J'ai fait pas mal de scènes ouvertes. J'ai fait le Changeman, le Café Oscar, Candidateur. Ouais. J'ai reçu des choses. Non, j'ai pas reçu de chaussons. Ah. J'ai reçu aucun chausson. Ah. J'ai reçu une roue de bagnole. Et alors, c'est un spectacle que tu as écrit, que tu as imaginé? Ouais, j'ai écrit avec mon pote Baptiste Chalas. Oui. Qui est mon metteur en scène. Vous avez tous des noms chelous dans ton entourage. C'est des pseudos ou c'est des vrais noms en fait? C'est des vrais noms, c'est problème en fait. Oui. Mais je préfère grave que Chalas. Oui, c'est vrai. Je trouve que Chalas, ça fait chien. Ça fait presque Chalas. Ben, s'il nous écoute, on l'embrasse. Puis en plus, c'est difficile à dire pour quelqu'un qui a un cheveu sur la langue. Hein. Ouais. Maurice. Chalas. Ah ouais, c'est bien. C'est pas mal. Et l'invité, comment il s'appelle? Grave. Il a regardé le papier quand même. Et ça t'est venu comment cette envie de monter sur scène? Moi c'est depuis tout petit, je veux être acteur. Et donc du coup j'ai... Ça veut dire quoi, que tu faisais du théâtre au collège, au lycée? Ouais, j'ai fait du théâtre, j'ai fait du théâtre au collège et au lycée, et mais j'ai vu Gad Elmaleh, j'ai vu Jamel, j'ai vu qui ça, et ça t'a quand même donné envie de faire du spectacle. De qui? Et t'as jamais, hey, et t'as jamais vu Frédéric Koster sur scène? Mais il est trop jeune. C'était en cassette, c'était quoi? Ah, en cassette, oui. Cassette VHS. C'était le cinéma muet. En fait, ces spectacles sont prêts. Vas-y, déverse son film. Pas du tout. Les spectacles sont prêts. Moi, j'ai vu des répétitions, c'est très bien. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas encore construit les théâtres dans lesquels ils pourraient se produire. Ah, ouais. Ah ouais. Mais voilà, tu vois que c'était pas... J'ai pas besoin de théâtre, moi, je vais dans la rue. Oui. C'est pas qu'il brûle les planches, il s'écroule. Ah. Bien, bon, ça continue. Hein. Merci bon. D'être venu. Ah non, arrête, il y a des chips. Ah oui. Bon alors, Alexandre, bien sûr, on va parler de toi, on va parler du spectacle, tu nous feras un petit extrait évidemment dans l'émission, et puis tu verras que dans cette émission, il y a plein de choses. Il y a des jeux, des tournées de blagues avec des blagues de Maurice, des épreuves. Ces connards de chroniqueurs sont des épreuves. Merci. Et la première, c'est le baptême de l'équipe adverse. Car oui, chers amis, vous formez deux équipes. Alors, à ma droite, il y a l'équipe de Bob, Maurice et Gégé. Ah ouais. Et à ma gauche, Frédéric, Alexandre, donc, et Aymeric. Sting. Et pour... Alors ça, c'est une private joke, parce qu'en fait, Aymeric se trompe toujours d'équipe et donne la bonne réponse à l'équipe adverse. Mais ça, c'est pas grave. D'accord. On t'en veut plus, Aymeric, depuis le temps. Ça fait au moins 10 ans. Je ferai gaffe. Donc, il faut un nom pour l'équipe adverse, pour que les auditeurs puissent se dire, ah bah tiens, il parle de ceci, il parle de cela. Un petit nom gentil, hein, bien sûr. Oui, très gentil, oui. Est-ce que tu as une idée pour ce nom de l'équipe adverse? Vieux cons. Les vieux cons. Les vieux. Et... Les vieux cons. Les poilus. Non, les vieux cons. Les vieux cons. Allez, alors, les vieux cons. Oui, j'aime bien. Ah, t'aimes bien, Maurice? Ah, ouais. Ah, bah, alors je le note. Donc, les vieux cons. Ouais. Bon, moi, je suis dans aucune équipe. Hein. Contre les trous du cul. Non, mais sans blague. Oh, non. Bon, bah, alors, voici la première question. T'as du coup, t'es vieux ou t'es con? Un trou du cul. Lui, c'est un vieux trou du cul. Alors, c'est la première équipe qui donne la bonne réponse, qui fait marquer le point à son équipe. Allez. Ah bon? C'est Quelle... du coup, alors. Quelle célèbre femme politique était avant sa carrière politique inspectrice du travail? Anne Hidalgo, pour toi Gégé. Non, pardon. Bonne réponse d'Éric de Guy. Mais ça m'étonne pas qu'elle soit aussi antipathique. Calmez-vous, Gégé. Non, il faut. Au cas où calmer. Tu l'aurais pas compris, je peux pas l'encadrer. Non, mais je suis parisien. Ouais, ouais. Mais je pensais qu'elle allait trouver Gégé, moi, que tu connaissais bien sa carrière. Non, je m'intéresse pas du tout à cette bonne femme. Déjà, la Catalogne l'a foutu dehors. On l'a récupéré, cette pauvre fille. Philippe. Ah non, mais c'est vrai que Gégé, il y a deux sujets sur lesquels il démarre au quart de tour. Ah oui. Anne Hidalgo. Anne Hidalgo. Et puis l'autre du Nord, comment elle s'appelle déjà? Et Martine Aubry. Je peux pas l'encadrer. Comme vous l'aurez remarqué, Gégé est de gauche. Et il est à ma gauche. Voilà, non, à ma droite. Mais j'aime bien Emmanuel Macron. Ah, mais ah, on t'a dit des gens de gauche. Oui, donc des gens de gauche. Donc, Jacques Lang, je l'aimais bien. Ah oui. Ouais. Bon, quel bel homme. Bon. Quelle belle femme. Alexandre, on va marquer une très courte pause. Ah, oui. Et juste après, il va falloir réviser car ça sera la première tournée de blagues. Okay. Ah. Alors restez avec nous, on revient avec Alexandre Grave. Ouais. Retour, on va se marrer avec Alexandre Grave. Ah, excellent. Qui joue tous les jeudis soirs. Oui. À 19h au théâtre La Cible. Oui. Ah, ouais. 62 bis rue Jean-Baptiste Pigalle. Oui. Ah. À Paris, dans le 9e. Dis-moi, t'as un Facebook, une page Facebook? Ouais, j'ai une page Facebook avec son grave humoriste. Et voilà. C'est... Donc on te demande comme ami ou c'est une fan page? Non, c'est une like. Ouais, c'est une like. Donc il faut liker la page. Il faut liker ma page, voilà. Pour avoir les infos, en fait. Il sait parler jeune. Hein. Oui. Ouais. Bah oui. Tu me prends pour qui? Pour un vieux. Ah oui, c'est vrai. Bon, alors donc il faut liker la page Alexandre Grave, humoriste. Tu peux compter sur moi. Voilà. Ah oui, Bob, vous savez que Bob, ah oui, Bob du club, a son Facebook. Son Facebook depuis 15 jours. Yes, il y a même, il y a même pas savoir. Ah oui, ah non, ah oui, ah oui. Ça comment... se bouscule au portillon. Hein. Ah, il a des amis, je te dis pas. Hein. Ouais, mais ça a ralenti quand il a mis une photo. J'ai mis une photo pour oui. calmer le jeu. Hein. Une photo de moi tout nu. Ah. Ça calme. Ah oui. Donc tous les jeudis, tu t'éclates sur scène. Le spectacle change toutes les semaines, si je comprends bien. Parce que t'as tes sketchs, mais après, ça dérape un peu. Oui, on s'adapte au public, parce qu'il faut que ça reste quand même un partage avec le public qui est présent en face de soi. Mais oui, chaque soir est unique, quelque part. Ah, ah bon. Ah. Et ton public, alors c'est un public plus féminin, masculin, les deux? Beaucoup de femmes. Ah. Non, il y a de tout. Il y a que des petits cons. Il y a de tout. C'est ça. Il y a de tout, mais moi j'accepte tout le monde. Moi. Oui, c'est pas un spectacle qui s'adresse plus particulièrement aux mecs, aux filles, pas spécialement misogyne, comme les blagues de GG. Non, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Et même les jeunes, les gamins peuvent venir, c'est pas trop hard. Non, ça va. Enfin, Non, ça va. Ça va. Bon, alors on l'a noté. Je vous avoue, il faut que je vous avoue une chose quand même. Tout à l'heure, quand je dis bon, Alexandre, faut raconter les blagues, il m'a dit est-ce que je peux raconter une blague raciste? Ah. Bon. Alors, on va voir. Écoute. Tout de suite, tu m'affiches, toi. Non, mais écoute d'abord la blague de GG. Après, voilà. Tu verras que tu peux tout dire. Donc, ouais, tiens, justement, on la lance. Voici la tournée de blagues. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blague. Alors, Aymeric Deguy. Alors, c'est plutôt une blague ecclésiastique. Bon, c'est un type qui n'a pas l'air équilibré, qui va se confesser à l'église. J'ai fauté avec une dame, mon père. Le curé lui demande. C'était contre son gré? Il répond. Non, contre un mur. Ah oui. Moi, je l'avais bien raconté par Maurice, celle-là. Alors, GG. Un homme turlupine sa femme pour la sodomiser. Oh, non. Bah oui. Oh, après plusieurs années, elle accepte. Ah. Le lendemain matin, elle se lève et voit dans la cuisine son mari en train de prendre son petit déjeuner. Bonjour chérie, en forme? Le dernier, rien. Ça va? Toujours pas de réponse. Mais chérie, qu'est-ce qui se passe? Tu me réponds pas. Il écrit sur un bout de papier, je parle pas aux enc***s. Oh. C'était une blague homophobe. Oh là, c'est pas possible. Maurice, avec son sponsor, évidemment, Maurice a beaucoup de sponsors qui payent ses blagues. La blague de Maurice avec les montescaliers Stana. Stana, les blagues qui n'arrivent pas. Salaud, là. Hey, tu sais que je l'ai pris. Je l'ai pris le monde vieille, là, tout à l'heure. Bon, je vais un peu remonter le niveau quand même. Ça va pas être facile. Voici le sujet d'une composition française. Je crois qu'on l'a perdu là. Tu te lances dans le français? Mais tu les avais écoutés avant le jingle pourtant. Bon, ça y est. Je m'en souvenais plus. Mais excuse-moi Maurice, vas-y. Remets-le un petit coup. Remets-le un petit coup. Ça. Blague de Maurice avec les montescaliers Stana. Stana, les blagues qui n'arrivent pas. Bon, je vais remonter un peu l'escalier. Oui. L'escalier. C'est une composition française. Ah. Les sujets sont ah. religion, sexualité, mystère. Ah. Et sur l'ensemble de la classe, il n'y a qu'une seule copie qui a eu 20 sur 20. Ah. Et la copie, c'était « Mon Dieu, je suis enceinte, mais de qui ?» Oh. Elle va aller rechercher quand même. Elle a cherché. Mais, t'as dit « Mais de qui ?» De qui? Ah, de qui? Ah. J'ai compris, de qui? Ah, ça m'appelle quelqu'un. Ici, en ouais, j'ai deux, trois enfants cachés. Alors, c'est un Corse qui montre à son fils qu'il a une collection de machines qui fabriquent du saucisson d'âne. Ah! Alors, tu dis, ouais, ça, c'est celle de ton grand-père. Non, avec l'accent. Hein? Avec l'accent, s'il te plaît. Oui. Ah ouais, ça, c'est celle de ton grand-père. Hein. Ouais. Tu peux faire toute l'émission comme ça. Tu mets l'âne dans... Je te rappelle qu'on est diffusé encore. Oui. Tu vois, je mets l'âne dans la machine et il sort des saucissons à l'autre bout. Ah, oh, super. Il dit, tu n'aurais pas une machine qui... Tu mets les saucissons et ça sort un âne? Elle dit, ça, on a ça, oui, c'est ta mère. Oh. On l'a pas vu venir. En plein mois d'août, un émir qatari débarque dans un grand hôtel de Monaco, suivi d'une armée de domestiques, bien sûr, qui transporte tout le matériel, ski, traîneau, raquettes. Alors, le concierge qui voit ça, il dit, enfin, votre Altesse, oh, je crois que vous vous trompez. Il n'y a jamais de neige à Monte Carlo à cette période de l'année. Alors, l'émir dit, j'y sais, qu'est-ce qu'il croit? Elle suit avec les restes de mon bagage. Ah, c'était pop avec l'émir. Bravo. La blague de Frédéric Coste. Alors, c'est deux Allemands qui viennent en vacances à Paris. Et ils sont un peu snobs, c'est un peu les GG allemands. Alors, ils veulent se faire passer pour des touristes anglais. Pas facile pour un Allemand. Ils veulent se faire passer pour des touristes anglais. Donc, ils arrivent à la brasserie sur les Champs-Élysées. Et il y a un des deux Allemands qui est « Two martinis, please !» Et le serveur dit « Dry !»« Nein, zwei !» Alors, ouais. La blague de Alexandre Grave. C'est dur, vous avez mis du level quand même. Hein. Ça va être très compliqué. Alors, moi, c'est une blague, mais elle fait rire que moi, souvent, celle-là. Alors, c'est deux culs sur une plage. Il y en a un, il dit à l'autre, tu vas te baigner. Et l'autre, il fait... Elle est bien dans le... Elle est dans le ton. Ouais, ah oui. C'est une blague de cul. Voilà. Ah, voilà. Maurice, t'aimes bien les blagues de cul, je crois. Non, pourquoi? T'en avais pas une petite dans ton stock, là, de... un peu chaude? Ah, qu'est-ce que c'est qu'une vierge? Ah. C'est une fillette de 8 ans qui court plus vite que son père. Ah ben, oh. C'est bien. Il y a toujours un petit trait d'esprit, quand même, chez Maurice. Ah oui, ah, oui. Un petit trait, alors. Bon. Alors, juste, très, très fin. Juste après la pause, Bob, oui. Ça va être une épreuve ah oui. pour faire marquer pourquoi des points aux équipes. Pourquoi tu vas chanter ? Non, pas du tout. Je vais tirer ah oui. une ah, carte. Ah. Donc, restez avec nous. On revient avec Alexandre Grave. Ah. Ouais, bravo, Maurice. Retourne au basse-marée. Avec qui, Maurice ? Avec Alexandre Grave, qui joue tous les jeudis. C'est à quoi le titre du spectacle ? Alors, rien de grave aussi. Hein. Ah, hein. Y a pas aussi. Hein. Je vais faire une blague. Un je vais faire un jeu de mots, tu vas voir. C'est rien de... C'est un spectacle sur lequel il faut mettre l'accent. Rien de grave. Voilà. Mais il est con, il comprend rien. L'accent grave, imbécile. Oui, l'accent grave. Voilà. Oui, alors. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est con, ce Maurice. Mais non, pas du tout, il fait la promo. Mais bon. Mais tu l'as coupé dans sa promo, là, il était bien lancé. Alors, je recommence. Maurice, c'est la voix de la promo. Mais oui, avec. Alors, j'y vais ? Oui, on t'attend, là. Avec Alexandre Grave. Mais non, pas Alexandre Grave. Mais qu'il est con. Alexandre Grave. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Il est grave. On dirait, c'est le fini. On dirait une mongolienne qui apprend à lire. Non, il a été super sonique. Laissez-le finir. Maurice, ne les écoute pas. Ah là, il fait super mal voilà. Maintenant. Maurice, fonce. Allez, maman. Alors, si vous voulez voir un spectacle merveilleux, de grave, avec Alexandre Grave, c'est tous les jeudis à 19h au théâtre La Cible. 62 bis, rue Jean-Baptiste Pigalle. Métro. C'est dans quel département ? Métro Pigalle. C'est et c'est dans le 9e arrondissement à Paris. Et paf ! Alors là, hein, il vous en est marrant. Hein. Hey. Quand il y a un invité qui est mignon, il parle très bien. Ah oui. Alexandre, je ne suis pas sûr que tu aies déjà eu un attaché de presse de cette qualité. Ah non. Mais je n'ai jamais eu d'attaché de presse. Donc ah bah tu vois. Hey. C'est un tort, ça y est, je suis sur les rangs. Très bien. Bon, alors, dans le spectacle, tu nous as dit tout à l'heure un petit peu de quoi tu parlais, mais tu nous as dit un petit peu aussi que tes humoristes préférés, c'était Jamel et... Ouais, Jamel et Gad Elmaleh, c'est ceux qui m'ont vraiment donné envie de faire ça. Oui. Ou Gad Elmaleh. Et après, là, maintenant, j'aime beaucoup ce que fait Baptiste Le Caplain. Je sais pas si vous voyez. Ah oui. Je trouve qu'il part vraiment dans des délires. Malik Bentala aussi, j'aime bien. Mmh. Et... Et pas de vieilles. Ça nous change, ça nous change de génération. Non, des vieilles ou des vieux que puisse connaître Bob. Je sais pas, style Popek. Jackie Sardou. Hein, bah, Gad Elmaleh, c'est déjà plus un perdreau de l'année. Hein. Non, ça fait au moins 20 ans qu'il est dans le métier, Gad Elmaleh. J'adorais son sketch, moi. Je rêve d'une banque. Ah oui. Je rêve d'une banque en Suisse. Non, à Monaco. Il était, sa banque, elle était à Monaco. Elle était du grand art. Ah, vraiment un mystificateur. Ouais. Bah oui, non, mais Foresti, il n'aime pas, il t'a dit. Ah non, il... Foresti, j'aime bien. Ah bon, j'ai compris que tu ne t'aimais pas, moi. Ah donc t'as quand même d'autres, t'as pas que c'est, t'as des filles aussi dans celles que dans ce que t'aimes bien, parce que pour l'instant t'as dit que des mecs. Ouais, Foresti, j'aime bien. Oui. Thibaut Marchand. Qui ça? Ah oui, Thibaut Marchand. Bah, Maurice, il est en train de regarder le nom des amis qui sont venus. Mais déconne pas, il va revenir bientôt, Thibaut. Ah oui. Nous présenter ses nouvelles l'attend, pièces. On l'attend. Ben oui, alors. Non, mais il y a Elisabeth Buffet. Non, ça lui dit rien. Il y a Anne Romanoff. Non plus. Anne Romanoff, ça me dit quelque chose. Ouais, c'est chez les filles. Il y a. Caillot. Oui, non, mais prends des connus. La blonde, là, comment Chantal s'appelle Chantal Latsou. Béranger Krief. Non, mais il aime pas. Il vous a dit que. Non, il vous dit que non. Tagbo. Claudia Tagbo. Agnès Pérez. Claudia Tagbo, ouais, j'aime Charles bien. Charles Soignon. Ah. J'aime bien Claudia Tagbo. Bon, Christine, alors ça va. Christine. Non. Alors donc. C'est le duo, lui, celui-là. Christine Boutin. Non. Donc, dans le spectacle, il y a des personnages aussi que tu interprètes, les personnages, ou c'est toi? Ouais, j'interprète aussi un patron d'entreprise. Qui fait la promo de la délocalisation. Oui. Ah, c'est le sketch que je vais vous faire. Un monsieur charmant. Ouais. Et aussi, j'interprète un psychologue qui reçoit Dark Vador. Ah, voilà. Ça peut être pas mal. Ça, ah, oui. ça va plaire à Bob. Je suis ton père. Oui, tout à fait. Bon, alors, Alexandre, effectivement, tu vas nous faire un petit extrait tout à l'heure. Mais en attendant, je vais, comme chaque semaine, tirer au hasard. Oh, ça fait des années que tu tires au hasard. Deux cartes dans le boîtier du trivial. Elle est magnifique, je te la garde. Ah oui, celle-là. Oui, mais elle est de moi au départ. Oui, oui c'est vrai, elle est de Fred. Oui. Une carte par équipe. Elle pique toutes mes ânes. Six questions par carte. Le but du jeu, c'est bien sûr de répondre à un maximum de questions pour faire marquer un maximum de points à son équipe. Alors, vous avez le droit de vous consulter avant de donner la réponse. Si vous donnez la bonne réponse, c'est un point. Mais vous avez aussi le droit de ne pas vous consulter et de donner la réponse directement sans consultation. Et dans ces cas-là, il faut faire. Cash. Et. Et on donne la bonne réponse. Voilà, et là, ça fait marquer deux points à l'équipe. Ah oui, et si tu d'accord. donnes la mauvaise. Zwei! Zwei! Zwei, point! Si toutefois, vous n'avez pas du tout la réponse, vous avez consulté, vous ne trouvez rien, etc., mais vous avez peut-être un de vos amis qu'on pourrait appeler, vous avez droit à un coup de fil à un ami pendant l'émission. Donc on peut l'appeler en direct. Il n'y a personne dans ta chambre. Et s'il appelle et s'il donne la bonne réponse, c'est deux points pour l'équipe. Alors, je fais toujours choisir Bob, hein, parce que sinon, il dit que c'est non, parce truqué, que sinon, il nous fait son cinéma. Ouais. Alors, Bob, la carte numéro 1 ou la numéro 2? La 1. À la première. Ah, je ne les vois pas, moi. Allez, elles sont là. Ouais. Et donc, je vais commencer par l'équipe des vieux cons, puisque c'est vous qui êtes mené, Bob. Hein, donc, c'est l'équipe adverse par laquelle je commence. Voici vos questions. Dans le tableau « La mort de Marat », où Marat se trouve-t-il? Dans la baignoire. Dans sa baignoire. Oh. Deux points. C'est injuste. Charlotte. Non, ils ne se sont pas consultés. Il n'y a pas Charlotte dedans Tout le monde connaît ça. Il n'y est pas sur le tableau. Non, il n'y est pas. Quelle œuvre de Franz Kafka débute par, je cite, « On avait sûrement calomnié Joseph K, car sans avoir rien fait de mal, il fut arrêté un matin. » Quatre propositions. Oh non. Ah bah je suis désolé, c'est pas moi qui les invite. Là ça va me revenir. Le procès, le château, la métamorphose, le verdict. La métamorphose. Oui, cash. Je pense à ça aussi. Ah non, il n'y a pas de cash, là, il se consulte. On s'est consulté, vas-y, dis-le. Métamorphose. Oui, c'est ça. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Ah, c'est pas la métamorphose. Non. C'est vrai que j'aurais dit la métamorphose aussi, donc c'est quoi les autres choix? Le procès. Le procès, le château ou le verdict? Le procès. Allez. Oui. Le procès. Eh bien, procès. Un point pour l'équipe des trous du cul, c'est bien quand même, c'est pas mal. Hop, t'es pas content, mais c'est pas mal. Le ténor Roberto Alagna. Ah, oui. Est-il charmant. De nationalité française, espagnole, italienne ou portugaise? Cash, italienne. Non. Oh merde. T'aurais dit ça aussi, je suppose. Non, portugais. Attends, c'est pas... Moi, j'aurais dit français. J'aurais dit portugais, ouais, je sais portugais, pas pourquoi. Ouais. Bon, avec un nom pareil, français. Comment tu même, dis j'ai... Roberto Ragnagna? Non, Alagna. Portugais. Bon, allez, on dit poilu. On fait confiance à l'invité. Ah. Bon. Portugais. C'est que quand vous vous trompez, Sylvain, Frédéric n'aime absolument pas perdre. Hein, t'inquiète pas, moi, c'est très mauvais perdant. Tu prends perdant. Des gros risques, Alexandre. Je vais mettre les chips proches de lui, comme ça. Ça. Il le fait. On mâche... Il le fait, en plus. Si con. C'est donc, la Alexandre ça. Dit portugais. Eh bien, non, c'était français. Eh ben voilà. Et génial, ouais. Eh putain, bordel. Quelle actrice. Bob, oui. Quelle actrice partage l'affiche avec Gregory Peck, Anthony Perkins et Fred Astaire dans le film Le Dernier Rivage en 1959. Eva Gardner. Ça aurait pu être l'époque où ça pourrait être aussi Eva Gardner, ça pourrait être, il y avait plein d'autres. Hein. Bah oui, à l'époque. Jane Mansfield. N'oubliez pas que vous avez un joker téléphone que vous n'avez pas encore utilisé. Oui, non, et Jane Mansfield, elle n'a pas fait grand chose, tu non, sais, à part des scandales. Montrez ça, téléphone. On dit Marilyn. Si tu veux, je sais pas alors. On dit Marilyn. Non. Ah non, moi j'hésite entre Audrey Hepburn et Ingrid Bergman. Alors Audrey, de voyance. Alors Audrey Hepburn, Jean-Pierre. Dernier mot. Audrey Hepburn. Non. C'est pas et, ça. Merde. Et Bob a donné la bonne réponse. Ah, oui, merde. C'est c'était Ava Gardner. Ava Gardner. Oui. Ah mais bien sûr. Quel a été le premier invité de l'émission En Terre Inconnue présentée par Frédéric Lopez? Était-ce Patrick Timsit? Était-ce Thierry Lhermitte? Était-ce Muriel Robin ou Pierre Palmade? On va dire Palmade. Palmade? Oui. Eh bien non. Ah non, c'était Robin. C'est Timsit. C'est Robin. Je crois attends, que c'est Timsit qui était. Alors attends, bon, grave. Alors, moi, je vous fais confiance. Moi. Alors, non, mais il a peur, quand même, il a peur, hein, vous il pourriez bouffer, quand même. Hein. Muriel Robin a été dans les premières. Non, je ne peux pas t'entendre. Ah non, j'ai rien dit. Je ne peux pas t'entendre dire un jeu de mots. Muriel Robin a été dans les premiers, mais je crois que je le premier. Je pense plus à Timsit aussi, ouais. Te préviens que si c'est Timsit, je te passe par la fenêtre. Timsit. Vas-y. Alors, bon, votre allez, réponse. Alexandre. Timsit. Eh bien non. Oh merde. C'était l'ermite. C'est Maurice qui avait raison. Bravo Maurice. Et Maurice, il les avait tous dit aussi. Pas de regard. Et enfin, dernière question, et là ça va faire un cash. Maurice, j'espère pour que je vais faire le cash tout de suite. Vert. Quel est le prénom de la Castafiore? C'est dans Tintin, ça, c'est ça? Oui. Non, mais moi, vrai. Je lis pas Tintin, moi. Mais quand tu lis pas du tout. Mais quand vous avez personne dans vos téléphones. Si. Bob déclenche l'appel à un ami. Le temps qu'on marque, parce que là, il faut qu'on marque une courte pause. Bob Hergé, il est mort. Hein. Juste après la pause, on appelle le joker téléphone de Bob pour la réponse. Attends. Restez avec nous, on revient avec Alexandre Graff. Ouais. Retourne, on va se marrer ouais avec Alexandre Graff. Ouais. Alexandre, toujours prêt? Oui. Bon alors, la carte va arriver pour toi dans quelques instants, mais juste avant la pause, on a été obligé de rendre l'antenne. Nous avions la question qui tue. Quel est le prénom de la Castafiore? Et Bob a désiré appeler un ami. Oui. Tu veux appeler qui? Je vais appeler Alain. Ah bah oui, oui. Ah. Ça marche? Oui. Ah super. Hey monsieur, si vous décrochez. Eh oui. Alain, faut que tu décroches. Tu es en train de faire de la balançoire. Allô. Ah, bonsoir. Salut Alain, c'est Bob. Oui, oui. Bonsoir. On pose une question. Ta femme va bien. Oui, t'es en direct sur l'antenne là. Donc, ta femme va bien, les enfants aussi. Qu'est-ce que tu manges ce soir? Oui, tout le monde va bien, oui. Est-ce que t'es un tintinophile? Tintinophile. Pardon? Tintinophile, tu es? Un cynophile, un amateur non. De chien. Non. Tintin. Tintin. Un titinologue. Bon, alors, Philippe va te poser la question. Oui. Moi, je l'ai sur le bout de la langue, mais j'arrive pas à retrouver le prénom. Alors, écoute bien. Cher Alain, quel est le prénom de la Castafiore? Je dirais Bianca. Oui. Oui. Eh bien, Alain. Bonne réponse, bravo d'Alain. Bravo Alain, ah, dis donc, heureusement qu'on t'a. Hein. Alain, dites oui. Cash, comme ça on aura deux points. Ah bah il y a deux points. Il y a deux points. Ah, ouais. Il fait marquer deux points. Jeu. Vous savez que je le paye très cher, là, je suis sourd de l'oreille droite. Je comprends pas ce que ça veut dire. Bon, bah, Alain, on t'embrasse. Et puis, bah, t'embrasses tout le monde autour de toi. Et puis, à bientôt. À bientôt. Ah. Merci, Alain. Salut, Alain. Et salut, Alain. Hey Bob, t'aurais quand même pu lui offrir une place pour aller voir Alexandre Grave au théâtre La Cible. Oui, Alain. Ben ça, enfin, faut peut-être demander à Alexandre d'abord. Ouais. Grave, Bob peut la payer la place. Ah oui, sûr. Pourquoi Alain, c'est celui que vous appelez tous les jeudis ou... Non, d'habitude, c'est Bernard qui l'appelle. Non, j'appelle. Comment ? Mon cousin. Oui. Bah oui. Et c'est pas ton cousin, Alain, c'est un ami. Non, c'est pas mon cousin, c'est Gérard. Donc ça vous fait marquer deux points. Deux points. Bianca. Et toc. Alors dans l'émission, Alexandre, on a un truc qui est très sympa que les invités aiment bien. On passe pas à notre carte tout de suite. Juste un petit truc avant la carte, un petit truc, une petite roulette russe. Ah oui. Ouais. Oh non. Alors la roulette russe, c'est facile. Je vais te donner des mots qui correspondent à des blagues historiques de Maurice. Ah oui. Tu me dis stop quand tu veux sur le mot que tu choisis. Et instantanément. Mais non, laisse-le. Et automatiquement. Instantanément. Sans ces notes. Maurice te raconte la blague. Incroyable. Peut-être. En fonction de la forme. Hein. Voilà. Donc bon, voici la roulette. On envoie la roulette. C'est parti. Perchiste. Iti l'extraterrestre. Maya l'abeille. Trois poussins. Skieur juif. Skieur juif. Oh. Oh bah celle-là, celle-là, il la connaît par cœur. Là, t'es tranquille. Oui, alors, il la connaît par cœur, mais il arrive mon pas à la Mon cher Alexandre. Ah. Ça commence bien. Oui. C'est deux skieurs juifs qui sont au sport d'hiver. Dans une station, faut donner le nom à la station, peut-être. Non, on s'en fout. À l'Alpe d'Huez. À l'Alpe d'Huez, c'est bien. Non, à Megève, c'est bien. J'aime mieux Megève quand même. Alors, mon cher Alexandre. Mais t'as des conflits. Mon cher Alexandre, c'est deux skieurs qui sont sur les pistes. Des skieurs juifs qui sont sur les pistes de Megève. Rare. Ah, et il y en a un qui dit Shalom. Shalom. Là, voilà. Ah, là, c'est mieux. Là, on avait peur que tu la loupes encore. Non, il faut peut-être dire qu'ils se croisent. Parce qu'il n'a pas dit qu'ils se croisaient. Ah non. Oui. Bon, ils se croisaient. Ah ben non, mais comment Ils étaient sur les pistes. Bah, parce que s'il y en a un en haut, un en bas, Shalom, ça ne veut rien dire. Bon. Allez, refais-la d'un coup pour que ce soit bien. Alors, mon cher Alexandre. Alors, là, elle va être bien. C'est deux... Puis applique-toi, s'il te plaît. Parce que... C'est deux skieurs juifs qui... Applique-toi. Et tu regardes Alexandre. C'est pas moi qui regarde. Après, ça... Voilà. Non, mais c'est pas moi qui regarde. Il a tellement des beaux yeux, ça me trouble. Voilà. J'ai une histoire là-dedans. T'as pas été évêque à Lyon, toi, non? Oh, il y a longtemps qu'il ne fait plus de catéchisme. Mon cher Alexandre, c'est deux skieurs juifs qui sont à la station de Megève et qui se croisent. Où ? Sur les pistes. Ah oui, ah oui, ben oui. Et il y en a un qui dit. À l'autre. À l'autre, Shalom. Non, mais non. Shalom. Non, mais non, pas Shalom. Mais non. Shalom. Ah, voilà. Voilà. Voilà. Le pire, c'est qu'aujourd'hui, il la rate alors que d'habitude, il la fait bien. Cher Léo, c'est deux skieurs juifs qui sont dans... Dans quoi ? Sur une piste. Sur une piste. Mmh. Et qui se croisent. Et qui se croisent. Voilà. Il y en a un qui dit allô. C'est pas une devinette ? Mon cher Léo, il y a deux... Mais non, on vient de te dire que c'est une devinette. Qu'est-ce que dire ? Que se disent deux... Que dit, mon cher Léo, que se disent deux skieurs juifs sur les pistes qui se croisent. Oui. Donc tu ne sais pas. Je veux dire, je ne sais pas. Je donne ma langue au chat. Mais moi non plus, je ne sais plus. Je ne sais pas. Elle est bonne, la blague. Ah, moi, bien, bah voilà. Allez. Eh ben, tu coupes le montage. Alors, je prends depuis le début. C'est bon. Mon cher Léo. C'est deux skieurs juifs. Moi, il me désespère. Alors, qu'est-ce que... Non, mais moi, je s'en fout. Non, on s'en fout pas. C'est une devinette. Donc c'est une question. Mon cher Léo, qu'est-ce que se disent deux skieurs juifs sur les pistes qui se croisent ? Ah voilà. Okay. Shalom. Non. Non. Shalom. Non. Shalom. Ah ouais. Tout petit, il était comme ça. Ouais. On a quand même l'impression que c'est un... Ah, tu l'as eu bien toi quand même, en peu de temps, hein, parce que. J'ai l'impression que c'est un examen qui passe. Et qu'il le rate, et qu'il le rate à chaque fois. À cette époque-là, j'étais pas à ça. Mais ce qui est bien, c'est qu'en plus, on lui fait une petite note à la fin, parce que c'est comme une consultation chez un orthophoniste, en fait. Pareil. Bon, allez. Alors, il y a votre carte qui vous attend, Alexandre. Ah bah, nous, on est prêts. Bon, alors, la pause, juste après cette courte pause, c'est votre carte. Ah. Il faut remonter la pente, car les vieux cons mènent. Oui. Et on a combien, nous ? Vous êtes à 2, à 4. Ah là, il faut y aller, combien Alexandre. Combien de temps la pause ? La pause, le temps que tu fumes une clope, GG. Ah, bah, c'est bien. Allez, on revient juste après avec Alexandre Grave. Ouais. Retour, on va se marrer avec Alexandre Grave. Ah ouais, excellent. Qui joue tous les jeudis à 19h au théâtre La Cible à Paris, 62 bis rue Jean-Baptiste Pigalle, dans le 9e arrondissement. Et son spectacle s'appelle Rien de Grave. Bon. Et sa fanpage Facebook, elle s'appelle comment ? Mais arrête, là, déjà, il est bien. Ah oui, non, la promo, elle est bien, là. Bianca Castafiore. Non, la promo est très, très bien. Et là, tu es originaire de la région parisienne ou tu viens de province ? Parce qu'on a beaucoup d'humoristes qui viennent de province. Non, moi, ouais, je suis né à Verneuil-sur-Seine. Je vis à Verneuil-sur-Seine. Ah oui ! 7-8 en force ! 7-8. Ah oui, ouais. Parce qu'en faisant des recherches sur Facebook, je pose la question parce que je pensais que tu venais de province, parce que en cherchant sur Facebook, j'ai trouvé un autre Alexandre Grave. Il venait d'où ? Du Mans. Ah non. Voilà, il était champion de fléchette au Mans. Alors, je t'avais préparé le truc au cas où, je me dis, ah oui, bah, tu nous as caché un truc, mais c'était donc pas toi. Là, t'avais préparé la cible et tout. Voilà, avec la cible, c'était quand même pas mal. Bon, alors Alexandre, attention, cette fois-ci, c'est votre carte. Ah. C'est comme tout à l'heure, les points doivent tomber. Allez, c'est parti. Quelle fresque de Léonard de Vinci a été réalisée pour le réfectoire d'un couvent dominicain ? Aïe, aïe, aïe. Les soirées de Barbarin ? Je sais pas. Les partous de Barbarin. Oh. Non, c'est quoi tu sais comment dire, il adore Bézu, Barbarin. Ça m'étonne pas de lui. Ouais, c'est sa chanson préférée. À la queue, le. Donc la fresque de Léonard de Alors, Vinci. Alors, la fresque très connue. Oui, de Léonard de Vinci. Très connue. Réalisée pour le réfectoire d'un couvent dominicain. Très connue. Par la Joconde, là, je. Alexandre, alors, merde. Grave, s'il te plaît. De Vinci, il a inventé l'hélicoptère, la cocotte minute, il a fait plein de trucs. Oui. C'est mieux quand ton micro. Cocotte minute, c'est lui. Je crois qu'il a aussi inventé les places de stationnement dans Paris. Ah non, ça c'est Hidalgo. Ah oui, non. Je les confonds. Il a inventé aussi comment faire brûler un bateau de loin. Ah ouais. Bon alors, je ne sais pas. Vous n'avez pas l'idée. Là, vraiment. Aucune idée. Je te dis là, mais moi depuis le début, je suis un. On cherche le nom du couvent. Bac, là, on peut se concerter. Maurice, on cherche le nom du couvent. Non, pas du tout. T'as eu ton bac quand même. On cherche le nom de la peinture. Voilà. C'est la Seine à Milan. Ah bon ? Bah oui, la Seine. Bonne réponse de Bob. Oh la vache ! Bah oui, non mais lui, c'est lui qui a posé pour le tableau. Qui est l'auteur tableau, du roman Ulysse ? Cash. Joyce, James Joyce. 2 points. Alors là, moi, je suis ici. Excuse-moi d'avoir de la culture. Selon la chanson qu'elle chante en 1951, quel jour de la semaine Juliette Gréco est-elle ? Cash, les dimanches. Tu veux pas laisser répondre tes collègues ? Non, on n'a pas le temps. Il faut qu'on rattrape là. On n'a pas le temps. Allez. De quelle nationalité est Jules dans Jules et Jim de François Truffaut ? 4 propositions. C'est encore pour Fred, ça. Alors, française, autrichienne, allemande, anglaise. C'est con, je l'ai pas vu. Autrichien ou allemand ? Ah oui. C'est pas français, ça c'est clair. Ouais. Il est autrichien ou allemand ? Autrichien ou allemand ? J'aurais dit allemand. J'aurais dit autrichien. Et toi, Alexandre ? Ben moi, j'aurais dit allemand. Français. Tu vois, Alexandre, il a tellement peur de Fred maintenant qu'il se rallie à toutes ses réponses. Surtout que quand il est arrivé ici, je lui ai dit si tu me vouvoies, je te mets ma main dans la gueule. Non, mais. C'est bien l'accueil de l'émission quand même. Ouais. Entre Maurice qui veut te violer et Fred qui veut te taper. Mais Alexandre. T'inquiète pas. Parce oui. Que ah, oui, face, ah oui, t'as oublié de faire une. T'inquiète pas, oui. Parce qu'en face, t'en as un que ça intéresse pas et l'autre qui peut plus. Donc tu risques rien. Mais Alexandre, tu risques rien. Il aboie, mais il a plus de dents, il mord plus. Ah. Alors qu'est-ce que tu dis, Alexandre ? Non, je pense allemand. Allemand. Allemand. Eh bien, c'est une bonne réponse. J'ai failli la faire cash. Comment s'appelle ? Oui. Le personnage allemand. incarné par Farah Fawcett. Oui. Dans la fameuse série Drôle de dame. Cash Jill Monroe. 2 points. Non, mais il a couché encore. Non, c'est pas possible. Non, mais... non j'ai regardé toute la série des Drôles de dame. Il lui donne les cartes avant. Oui, et sa sœur qui est jouée par Cheryl Ladd, c'est Chris. Et Kate Jackson, c'est mais Sabrina ça, Duncan. Bon, ouais, on s'en fout. Jacqueline Smith. Bon, bonne soirée. Comment elle s'appelle, Jacqueline Smith déjà. Moi, j'avais Sabrina Duncan, Kelly Garrett. Voilà, Kelly Garrett, ouais. C'est Jacqueline Smith. Oui. Alors, dernière question. C'est quand même curieux d'être communiste et de connaître toutes les actrices américaines. Je ne suis pas communiste. Mais je ne suis pas communiste. Non, t'es pas obligé. Tu parles de communiste, c'est comment. C'est maman qui est passée communiste. T'as vu l'eau qu'elle boit ? Il boit. De l'eau cristalline. Ah, quel et j'ai crié, Staline, pour qu'il revienne. Oh là là. Et enfin, oui. Titeuf. Oui. Est-il blond ou brun ? Cash. Blond. 2 points. T'as pas l'impression que c'est facile ? Non. Comment c'était cette chanson ? Ah oui, attendez. Pa pa la dans le cul la balayette. Oui, alors Frédéric a vraiment le triomphe modeste. Il faut oui, voir, voilà. Voilà, hein. On voit alors, qu'il fréquente les stades de football. Bon, alors il faut de que. De rugby. Il faut que je fasse les totos, mais j'ai pas encore eu le temps de les faire encore pour l'instant. On va voir tout à l'heure, puis il y aura peut-être d'autres questions. Mais en attendant, j'ai une question pour un point. Alors là, c'est la première équipe qui donne la bonne réponse, qui marque le point. À votre avis, cas de particulier, la plage de Palombaggia à Porto Vecchio. Puisqu'on parlait de nos amis corses tout à l'heure. Il y a du sable. Ouais. C'est pas ça qu'elle a de particulier. Des bunkers. Elle est dans une grotte ? Non. Elle a un truc de particulier, cette plage corse. C'est une plage nudiste ? Dans quelle ville, tu dis ? À Porto Vecchio. La plage de Palombaggia. C'est une plage. Il n'y a pas la mer. On n'a pas le droit d'y aller. Ah, attendez, une réponse de Bob ? Il n'y a pas la mer. Non, si, quand même. Bon. Non, mais on n'a pas le droit d'y aller. Ah, bah si. Elle est protégée. Non, non. C'est sur la côte est ? Non. Elle est souterraine. Elle est souterraine. Pour se faire bronzer, c'est bien. Il y a des mines. Elle est suspendue. Elle est suspendue. Il y a des mines antipersonnelles. Pensez que vous êtes dans une très belle région, hein, Porto Vecchio. Ah c'est très très beau. C'est une très belle plage. Oui. C'est la plus grande plage. C'est pas la plus grande. C'est la plus belle. C'est la plus belle plage. Elle a été élue la plus belle plage. Elle a été élue la plus belle plage de France. Oh. Bonne réponse de Frédéric Coster. Elle est sur la côte est de la Corse. Plage numéro 1 sur 100 plages en France qui ont été visitées et notées. Et en numéro 2, c'est Dunkerque. Oui. T'aimes pas aller à la plage, toi, Alexandre ? Si, mais Porto Vecchio, j'ai... T'as jamais été en Corse ? Non. J'aimerais bien. Mais c'est non. Magnifique, la Corse. Mais Dunkerque, j'ai fait. Tiens, à propos de plage, il y a un truc très important quand même, c'est que bien souvent... C'est sur la plage qu'on fait sa première rencontre, son flirt. Ah oui, d'où l'histoire. Il me semblait que tu nous avais pas dit dans une émission que ton premier flirt, c'était sur une plage avec une jeune fille. Ah non, mais c'était une copine, le petit bâton, qui était mannequin, qui était très belle. On bronzait nu. À l'époque, à Saint-Tropez, on bronzait nu. On était jeunes. J'ai bonne mémoire, je me souviens quand même. Et je ne savais pas ce que c'était qu'un clitoris. Ah. Et donc, elle m'a montré, elle m'a dit, faut que tu touches. Tu veux pas toucher à ça. J'avais pris un petit bâton qu'il y avait dans le sable. Oui. Et j'ai gratouillé comme ça. Et tu avais quel âge? J'ai trouvé ça très laid. Tu avais quel âge? J'avais 23, 24 ans. Ah, quand même! Et elle était mannequin chez Chanel. Elle était belle. Ah bah alors ça va. Ah bah très belle. Donc c'était à 23 ans, c'est ça? Oui. Donc bah, Alexandre, si t'as un petit bâton avec toi et que tu vas sur la plage, tu vois, voilà, t'es dans l'usage. Bah on marque une pause et puis on va voir si on trouve un bâton dans le studio. On revient juste après avec un extrait du spectacle. Ouais. Avec Alexandre Graf. Retourne, on va se marrer avec Alexandre Graf. Ouais. Dans son spectacle Rien de grave, oui, au théâtre La Cible, tous les jeudis à 19h. La Cible, oui, j'ai dit. Oui, oui, oui. Je vois là-bas. Ouais, alors vite. C'est tous les jeudis à 19h. C'est 62 bis rue Jean-Baptiste Pigalle à Paris. Très 9e. Bien. Ah, parfait, Maurice. Alors, eh bien, écoute, on va prendre le petit bâton de Gégé pour. Avant c'était le bâton de Berger, maintenant c'est le bâton de Gégé. Oui, pour faire les trois coups. Ah, mais moi je le mange pas. Voici un extrait du spectacle d'Alexandre Graf. Ah, ouais. Jacqueline, Didier Guérin là, dans mon bureau là, immédiatement. Vite. Allez, Jacqueline, il est dégueulasse ce café, hein? Non mais qu'est-ce qu'on vous apprend en école de secrétaire, c'est... Ah Didier, viens va, installe-toi. Dis-moi, t'as pensé à ce que je t'ai dit là, hein? L'assouplissement progressif mais considérable de ton équipe, hein? Ouais, non mais tu dis ça, mais moi la grosse, je l'ai encore vue ce matin, la grosse. Hein. Ouais, Martine, on s'en fout. Hein? Ah, elle part? En congé de maternité? Y a de la place pour un môme là-dedans encore? T'es sûr que c'est pas d'un hamburger qu'elle va accoucher? Hein? Bon, très bien. Donc Martine, c'est bon. Philippe, tu m'as dit, il est parti la semaine dernière. Gérard, c'est bon. Jean-Marc? Ah, il s'accroche, Jean-Marc. Hein. Jean-Marc, on va l'avoir à l'usure. Technique psychologique, écoute-moi, tais-toi. Je veux que tu te débrouilles comme tu veux, mais je veux que son bureau soit toujours en bordel. Qu'à chaque fois qu'il aille dans l'escalier, il manque une marche et qu'il n'ait plus jamais de café. Dans 2 semaines, il part. Hein. Et sans négocier sa retraite, tu vas voir. Bon, donc Gérard, c'est bon. Philippe, c'est bon. Frédéric, c'est bon. Albert, c'est bon. Alain, c'est bon. Et Didier, tu me dis si je me trompe, mais il reste plus grand monde dans ton équipe, là. Hein? T'as pensé un petit peu à la suite? Hein? Ton pot de départ. Je te dis pas de l'organiser tout de suite. Mais pense-y, tu vois. Il faut que ça s'installe progressivement dans ton esprit. Est-ce que j'achète du champagne ou du caviar, tu vois? Il faut que ça s'installe. Voilà. Par contre, là, je vais te laisser parce que j'ai des journalistes. Là, j'ai un rendez-vous très important. Enfin, plus important, voilà. Donc, hein? Voilà, bien sûr. Hein? T'as des questions? Envoie-moi un mail. Hein, je préfère, c'est mieux. Voilà. Hein? Hey, Didier! Qu'est-ce qu'on s'est marré quand même, hein? La porte, ferme-la, voilà, c'est ça. Ouais, Jacqueline, là, Didier Guérin, là, il vient de sortir de mon bureau. Oui, bah, vous m'enlevez tous ces codes-là. Tout. Code informatique, code CE, je veux plus le voir ici. Hein, bon, et les journalistes, là, ils arrivent quand? Ils sont avec vous? Bah oui, faites-les rentrer, Jacqueline, oui, ils vont pas rentrer tout seuls. Bonjour. Bah, partez, Jacqueline, c'est pas vous que les gens veulent voir, hein? Ouais. Bonjour. C'est vous, alors où est la caméra? Là? Bah écartez-vous, monsieur, enfin. Hein? Alors vous me dites quand on commence, parce que moi, là, j'ai un épi, là, depuis ce matin, qui me gêne. Hein? Ça va, je suis bien coiffé? Ouais, je suis pas te demander, à toi, tu ressembles à Jésus, là, c'est pas possible. Ouais? Ça tourne? Si je vous ai convoqué, messieurs, c'est pour répondre à ces attaques mensongères. À l'égard de mon entreprise, bon, qui est leader sur le marché du prêt-à-porter depuis 25 ans, qui aurait été qualifié, monsieur, de facteur de délocalisation. Jamais, vous m'entendez, j'ai toujours fait du Made in France. Partout. En Chine, en Turquie, en Tunisie. Hein? Alors, évidemment, je n'oublie pas le Made in Europe. Hein, car en tant que citoyen européen, je suis favorable à la grande Europe, hein, qui irait de l'Asie à l'Afrique. Car comme vous le savez, nous sommes en train de réinstaller nos unités de production en Éthiopie. Bon. Je ne cacherai pas qu'il y a des raisons économiques derrière. Hein. C'est une terre pleine de matières premières. Hein. Il y a du coton, du tissu, des hommes, du nylon. Mais surtout, monsieur, pour des raisons éthiques. 40 ans qu'ambassadeur de l'UNICEF, bon, ça ne m'a pas coûté très cher. Nous sommes en train de réfléchir à aider le pays Hein, et on trouve ça absolument scandaleux qu'au jour d'aujourd'hui, il y ait encore des petits-enfants chinois dans des ateliers sortis. Non, mais je le dis. Hein ? Quoi, les Éthiopiens ? Non, attendez, remettez les choses dans son contexte. Hein. Je vous parle de la Chine, un pays, et vous me sortez pirouette cacahuète. Hein, non mais j'ai envie de dire, ça n'a aucun sens. Voilà. Hein ? Oui, mais les petits-enfants chinois, monsieur chinois ! La première puissance économique mondiale ! Et ça mérite une minute de silence. Je suis Charlie. Excusez-moi, je me laisse aller à mes sentiments. On en était où ? Délocalisation, exploitation, éthiopien, c'est ça. Oui. Alors, savez-vous, madame, que le peuple éthiopien est le peuple le moins productif du monde ? Ah, vous ne le savez pas, ça ? Elle ne le savait pas, hein ? Eh oui, parce que l'espérance de vie, là, chez les noix de coco, là, n'est que de 25 ans. Avec une majorité à 16 ans, ils ne travaillent que 9 ans. C'est très peu, hein. C'est pour ces raisons d'ailleurs qu'en tant qu'actionnaire majoritaire de la constitution du pays, nous sommes en train de réfléchir à avancer l'âge de la majorité à un âge raisonnable. C'est pour ça qu'on a toujours pensé à 7 ans, l'âge de raison. Hein, voilà. Pardon madame ? Oui, alors arrêtez. Oui, alors le préjugé, hein, comme quoi les ouvriers sont dans de mauvaises conditions de travail. Oui, bon, ça fait longtemps qu'on le dit, hein. Voilà, tout simplement. Non mais suis-je obligé de vous rappeler, madame, que l'on parle d'un pays qui sort de l'esclavage ? Hein ? Alors en termes de salaire, il y a eu du progrès, excusez-moi. Et je ne souhaite pas brûler les étapes. D'abord 20 centimes de l'heure, ensuite 25 centimes de l'heure, et après les chocs à pic. Hein ? Voilà. Pardon monsieur ? Oui, alors vous avez tout à fait raison de le préciser, monsieur. Oui, voilà, ces produits, hein, qui sont créés par une main-d'œuvre bon marché, certes, sont écologiques. Ah, ça calme Ah si, ils sont écologiques. Si, bah, écoutez, je sais quand même mieux que vous. J'ai payé les licences la semaine dernière. Ça m'a coûté un bras, cette histoire. Hein ? Vous avez trouvé des produits toxiques dans nos usines ? Non. Vous avez des preuves ? Bon, montrez-les-moi. Non, il n'y a pas de produits toxiques. Non. Oui, il y a des produits toxiques, mais encore une fois, dans une logique écologique. Je m'explique. Nous avons un partenariat avec l'association de Brigitte Bardot, hein, qui nous engage à ce que pour un ouvrier intoxiqué, un ours polaire sauvé. Voilà. Là, j'ai envie de dire, c'est écologie, on peut rien dire. Hein, c'est pas possible. Voilà. Pardon, monsieur ? Est-ce que je pense aux Éthiopiens ? Tout le temps. Monsieur, il ne se passe pas une journée sans que j'y pense. Tiens, là, je viens d'y penser. Et quand j'y pense, je suis fier d'avoir amené le travail, la société de consommation, le capitalisme, la culture, en sorte, dans ces pays-là. Voilà. Et je ne vous cache pas que je pense au prix Nobel de la paix. Ce n'est qu'une question de temps, et le temps, c'est de l'argent. Voilà, merci beaucoup. Bravo. Alexandre Grave. Ouais. Si vous voulez savoir la suite, c'est tous les jeudis. Ah, la Suisse. Ah, la suite. La suite. Ah, non, il avait dit la suite. C'est tous les jeudis à 19h. Oui. Au théâtre La Cible. Oui. Ah, c'est 62 bis rue Jean-Baptiste Pigalle. Ah. Dans le 9e arrondissement à Paris. D'accord. Et le spectacle s'appelle « Rien de grave » par Alexandre Grave. Oh, très bonne promotion. Alors là, je dois dire que tout est dit. Voilà. Est-ce que tu as déjà rajouté Alexandre sur ton Facebook Ça va pas tarder. Ah, très bien. Alors là, et une fois que tu as Maurice, après, tu vas voir toutes les blagues et tout ça qui arrive. Bon, et ben écoutez, alors. Dans la merde. C'est les blagues qui arrivent sur la page Facebook. Oui, ça arrive direct. Bon, juste après la pause que nous allons marquer maintenant, nous avons la petite chronique gentille d'Emeric de Guy. Gentil, c'est un bien grand mot. Ah non, très gentil, toujours très gentil. Mmh. Il se fait beaucoup d'amis dans l'émission. Marrant qu'on n'ait pas eu de bombe encore. Là, on a donné une fausse adresse. Parce que je suis un agent double. Oui. Voilà. J'ai rejoint le Jihad. On n'a pas eu de bombe. On a eu Annabelle qui est venue il n'y a pas longtemps. Ah oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est bizarre qu'on n'ait pas eu de bombe. Parce qu'entre Anne Hidalgo, Martine Aubry et puis toutes celles qui attaquent Emeric. Oui. Très courte pause et juste après, Emeric de Guy. Ouais. Retour, on va se marrer avec Alexandre Graham. En fin de compte, c'était pas si grave que ça, mais bon, c'était bien. Ah, voilà. Bon, Alexandre, est-ce que tu t'intéresses à l'actualité? Ouais, un petit peu, bah oui, quand même. Ouais. Mais, pourquoi un petit peu nous, on a un qu'est-ce que t'as... tu regardes, tu regardes les infos, tu lis les journaux, qu'est-ce que tu... Ouais, je lis les journaux, ça dépend s'il y a des images ou pas, déjà. Voilà. Ah, ouais. Et non, je m'intéresse, mais j'irai pas en parler trop dans le spectacle. Tu vois, j'irai pas prendre position sur des trucs. Mais tu regardes qu'une information à la télé, par exemple, une information objective. Voilà. Pas sensationnelle. Voilà, ok. BFM. Je regarde BFM TV. Non, ouais. Parce que nous, pas ici, du on a quelqu'un BFM. Qui... Je déteste BFM. Les informations, il les regarde, mais il les interprète. Ah bon? C'est ah qui? Ben, trois Guy. Émeric de Guy. Émeric de Guy. Ah oui, ben voici la chronique d'Émeric de Guy. Ah oui, en effet, je mets mon gilet pare-balles. Je décortique, je dissèque, je suis le médecin légiste de l'actualité française et mondiale. Français, Françaises, affamés mais assoiffés d'espoir, innombrables citoyens farfouillant dans les poubelles en ramassant les légumes de la fin du, ou ramassant les légumes de la fin du marché, et je rappelle, pour votre santé, ramassez au moins 5 fruits, 5 légumes par jour. C'est ça la France d'aujourd'hui. C'est les infos du monde fou, bienvenue en France, où faire maintenant du catéchisme, c'est être précoce sexuellement. Oh non Il a eu lieu, comme chaque année, le concert des enfoirés et quelques connards, fraudeurs fiscaux, artistes has-been, des vedettes plutôt caricaturales que caritatives. Je revois un duo avec le singe, la chabale et le, chimpanzé Zlatan Ibrahim. Bon, je sais pas, ils se sont accouplés, c'était mignon. Bon. Et Mimimati, pour sa taille, elle a des petites fins. Mais bon, Resto du cœur, petite fin, Mimimati. Oh mais, ah, ça fait 30 ans que ça dure. Ah. Ça fait 30 ans, il y en a marre. Plus de 31 ans maintenant. Ça fait 30 ans. Et ils l'ont bien chanté d'ailleurs. Ils l'ont très très bien chanté. Hein. Au moins, ils ont... Voilà. Voilà. Ouais, le temps passe vite. Comme une minute soupe. Oh. Une chanson de Barry Manilow à la base. Je connais pas. Mais il n'y a pas que la sous-alimentation en France. Pensons à la misère sexuelle, à la drogue, l'alcool. J'ai un de mes colocataires qui aime bien manger liquide, qui m'a soumis l'idée des bistrots du cœur. Ah, je sais pas, ouais. ça, à débattre. Ouais, j'en reparlerai. J'ai ma voisine stripteaseuse qui m'a soumis les pep shows du cœur. Ouais. Pourquoi pas, voilà, c'était ma dédicace pour eux, hein, José et Mathilde. On continue avec un autre style de dégustation, celle des petits écoliers consommés par des papis brossards en soutanés. par des papis brossards en soutanés et carapacés d'une vertu qui rime avec tutu. Oh non, ça et fait rire. Mamie Nova est très très loin. Enfin, Mamie Nova, Mère Teresa, mais elle va être canonisée d'ailleurs hein, bientôt. Ah. Ouais, pendant que des djihadistes se font sauter, elle se fait canoniser. Canoniser, c'est tirer à coup de canon. Hein. Non, mais là, religieusement, t'es bombardé, quoi. T'es un saint maintenant. Et, elle avait deux saints, il me semble, hein, Mère Teresa. Bon, bref. Un nouveau scandale éclabousse le milieu ecclésiastique avec d'abord l'abbé Bernard Prénat. Alors Prénat par devant, par derrière, je sais pas. Oh non, oh non, oh non, oh non, ah non, mais c'était, non. C'est le diable qui m'a tenté. Hein. Ouais. Accusé de viol sur des petits scouts de 1986 à 1991, des agressions dissimulées par sa hiérarchie. Alors, soupçonné d'être un des dissimulateurs, le cardinal Barbarin. Jingle. Il est velu le gland du cardinal. L'enfance est coupée par des attouchements de pervers. Ça, en fait... J'étais tenté. Hein. Radio Notre-Dame, c'est pour toi. Enfin, Barbarin, c'est la mère Claude d'aujourd'hui. Quoi. Bravo! Jolie. Ouais, ou la Régine. Hein, cet archevêque de Lyon s'est défendu de toute accusation par des bonnes paroles que j'ai surnommées, bien sûr, les barbarinades. Ah. C'est des bondieuseries, pas très catholiques. Alors Barbarin a dit « Je n'ai jamais couvert des actes de pédophilie ». Il a bien insisté sur « couvert ». Normal, tous les curés sont contre la capote, donc ils ont violé sans protection. Oh non. Et en même temps mettre une fillette de 6 ans enceinte, c'est aussi absurde qu'une vierge en string. Oh non. Donc tu peux y aller sans capote. Autre barbarinade, hein, elle est miraculeuse, hein, je cite. La majorité des faits, grâce à Dieu, sont prescrits. Mais certains, peut-être pas. Alors ça veut dire quoi? Que Dieu est pédophile lui-même? Donc il finit... Donc, amen. Donc il finit toujours par pardonner. Alors, en latin, Domanus vobiscum, rectum spiritu tuo. C'est les quatre mots de latin, les seuls que je connais. Et dans cette tourmente de déviance sexuelle, que pourrait-on nous dissimuler encore? Un sex shop clandestin au Vatican qui vendrait le Kama Sutra œcuménique avec la position du missionnaire, du martyr ou la génuflexion du lotus? L'hostie suppositoire pour enfants? Le corps du Christ? Un clin d'œil à un collègue Olivier Perrin, humoriste, le corps du Christ, la bite du prêtre. Qu'est-ce qu'on pourrait y vendre aussi? Je sais pas, la poupée gonflable de Christine Boutin, les boules de geisha des 12 apôtres, la poupée Jeanne d'Arc, inflammable, hein, bien sûr. Mais alors là, mes chers collègues, hein, oui. Vous qui avez, vu l'âge que vous avez peut-être été chez les jésuites, ça se saurait. Ah oui. Non, il existe une chorale secrète. C'est la SPA, la Société des pédophiles anonymes. Et on envoie la sauce. Attention. Le pape a dit que l'abus sexuel sans confession est un péché. Cette nouvelle, il me faut l'annoncer à ma paroisse. Yeah, je suis prêt. J'ai pris une dose de zizi comme préliminaire de mon sermon. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, j'avais encore bien trop d'excitation. Au petit matin, Satan m'est apparu et j'ai signé pour la contraception. Aussitôt vers l'église, j'ai couru parler à mes fidèles sur ce ton. Mes chers pervers, mes petites sœurs, soulevez vos soutanes tous en cœur. Pas de pédophilie avant de faire vos prières du soir. Pédophilie, pas de pédophilie. Ne faites pas de pédophilie avant de faire vos prières du soir. L'amour infantile est devenu péché mortel. Ne provoquez pas votre père éternel. Non, pas de pédophilie avant vos prières du soir. Pédophilie, pas de pédophilie. Maintenant le mal est fait, tout est dit. Mes fidèles sont en psychiatrie. Dieu, je reste seul dans ta maison. J'ai beau prier pour toi, à quoi bon? Si le pape te dit tu aimes les petites quéquettes, tu as le droit de faire la fête. Et je recommencerai durant les JMJ le sermon de la pédophilie. Mes chers pervers, sur Ratzinger, soulevez vos soutanes tous en cœur. Attention, pas de pédophilie avant de faire vos prières du soir. Pédophilie, pas de pédophilie. Ne faites pas de pédophilie avant de faire vos prières du soir. Pédophilie, pas de pédophilie. L'amour infantile est devenu péché mortel. Ne provoquez pas votre père éternel, non. Pas de pédophilie avant vos prières du soir. Ouais, rock'n'roll, béatitude. Sexe au bénit rock'n'roll. À très bientôt, à moins que d'ici là, la Terre se mette à mieux tourner. Emeric Dagui. On salue tous nos auditeurs de Lourdes et sa région. De Lisieux. Oui. Ah, là. Voilà, alors n'oubliez pas que... Lisieux qui vient d'être jumelé avec Zagreb. Pourquoi? Pourquoi Zagreb? Pourquoi Zagreb? Ben, chercher. Ah, bon, on va chercher. Bon, alors, oui, j'allais dire, n'oubliez pas de demander Emeric Dagui comme ennemi sur Facebook. Et les ennemis de mes ennemis sont mes ennemis. Emeric Dagui avec un I sur Facebook. Hein. Oui, bon. D-E-G-U-I-E-M-E-R-I-C. Frédéric Koster. Eh oui, on en profite quand même, Emeric, pour remercier Frédéric Koster d'avoir fait les chœurs sur ta chanson. On l'a bien connu. J'étais inspiré. C'est mon fatwatomètre. Hein, bon, alors. On va marquer, oui. Une petite parenthèse. Depuis que je me suis mis sur Facebook. J'ai un ami sur Facebook qui s'appelle Emeric Dagui. Et donc, les amis de Emeric Dagui sont tous venus. C'est pas possible, tu connais tout le monde. Ouais, mais ils aimeraient bien ne pas me connaître. Bon, alors, Alexandre, on va marquer une très très courte pause, car il faut quand même qu'on se marre un petit peu dans cette émission. Donc, une petite tournée de blagues, mais c'est juste après cette courte pause. Restez avec nous, on revient avec Alexandre Graff. Ouais. va se marrer avec Alexandre Graham. Ouais. Qui joue tous les jeudis à 19h au théâtre La Cible. Ah ouais. C'est où? Son spectacle s'appelle Rien de grave. Ah d'accord. Et c'est au 62 bis rue Jean-Baptiste Pigalle, oui, à Paris, dans le 9e arrondissement. Fait une tournée. Enfoiré. Allez, une tournée de blagues. Allez. Enfoiré. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. À propos d'enfoiré, on commence par Émeric. Oui, c'est une bonne idée. C'est l'histoire d'un mec. Non. Deux blondes discutent. Tu sais, tu devrais changer de gynécologue. Il n'est pas assez jeune, le tien. Et si tu veux le numéro de téléphone du mien, il n'y a pas de problème. Il est très compétent et en plus, il est très beau. L'autre répond. Je garde le mien. Il est un peu vieux, mais il a les mains qui tremblent. Elle est sale. Alors, une petite mignonne de GG. Hein, vraiment. L'armée. Un militaire est en train de faire une pipe à son copain. Petite mignonne. C'est pas... On t'avait dit une petite mignonne. Eh ben, il lui fait une pipe, comme tout le monde, dans le dortoir. Oui. Voilà. Est-ce que vous savez quels sont leurs grades respectifs? Ah non, L'un est le premier est aspirant et l'autre est juteux. Alors pour Alexandre, le juteux c'était le surnom de l'adjudant. Bon, la blague de Maurice avec un de ses sponsors. La blague de Maurice avec Air France. Air France, des blagues qui volent haut sur tous les jours de grève. Alors, c'est un petit cochon qui rencontre un sanglier. Oh, elle est mignonne. Enfin, elle est mignonne. Oh. Le sanglier lui dit, alors, ça va mieux ta chimio? Celle-là, elle est bien. Celle-là, elle est bien. Alors, une femme arrive chez son médecin. Elle a les dents cassées, un cocard, le nez en sang, le visage tuméfié. Le docteur, mais qui c'est qui vous a fait ça? C'est mon mari. Ah bon? Mais je crois qu'il était parti en voyage d'affaires. Moi aussi. Attention, il va y avoir des accents. Ben oui, ça se passe à Bruxelles. Ah, voilà. Ça me profite pour saluer tous nos amis belges qui nous écoutent très nombreux. Merci à eux. Alors, c'est un Belge qui rentre dans un magasin pour faire des courses. Ah. Bonjour, monsieur le bordeur. Bonjour, non, c'est madame. Ah, bonjour, madame. Écoutez, je voudrais, pas trop fort, il y a les clients, je voudrais du papier toilette. Oui, très bien. Vous préférez du bleu, du rose ou du blanc? Oh bah, du bleu, elle part du bleu, c'est moins salissant. Alors, moi, je vous emmène à un congrès. Un congrès d'émancipation de la femme. Ah. Il y a des femmes de toutes les origines qui sont là. Et la première à prendre la parole, c'est une Allemande qui dit « Bonjour, je m'appelle Birgit et j'ai avisé mon mari. Helmut, tu prépares le dîner. » Le premier jour, j'ai rien vu. Le deuxième jour, j'ai rien vu. Mais au bout du troisième, Helmut a préparé le dîner. Alors là, toutes les femmes dans la salle. Ouais, ah, bravo. La deuxième à prendre la parole est une Italienne. Bonjour, je m'appelle Isabella et j'ai dit à mon mari Luigi, à partir de demain, tu nettoies toi-même la maison. Le premier jour, j'ai rien vu. Le deuxième jour, j'ai rien vu non plus. Mais le troisième, Luigi, il a passé l'aspirateur. Oh, ouais, oh, bravo, bravo, bravo. La troisième est une Afghane. Ah là là. Bonjour. C'est mon ex. Mon nom est Yasmina. J'ai dit à mon mari, Oussama, tu repasses les linges, espèce de feignant que tu es. Les premiers jours, j'ai rien vu. Les dixièmes jours, j'ai rien vu. Le troisième, j'ai recommencé à voir un peu de l'œil gauche. Je la sentais venir, celle-là. Alors, Alexandre, grave. Alors, c'est une blonde qui se promène dans la rue. Elle voit une peau de banane et elle fait « Oh merde, je vais encore tomber. » Alors, il est grand temps oui. de vérifier les scores. Ah. vous ne gagniez pas, puisque vous n'aviez que 5 points. Mais du coup, là, forcément, vous êtes écrasé parce que l'autre équipe a 12. Bon, alors, c'est quand même l'équipe d'Alexandre qui gagne. Oui. Bah oui, mais c'est toujours la meilleure équipe qui gagne à chaque fois. Alors, moi, je avec l'invité, toi, non? Comment? T'es souvent avec l'invité, toujours. Toi. Ouais. Bon, alors, Maurice, qu'est-ce que t'en penses? Ça mérite quand même de refaire un petit coup de promo bien faite avec tout, hein, l'internet, site. On peut avoir un roulement de tambour ou pas pour la promo de Maurice? Oui, bien sûr, on peut avoir tout ce que tu veux, on peut même avoir ses sponsors. Ah non. Avec MST Croisière. MST Croisière, les blagues à fond de cale. Il va être content, notre invité, quand je vais lui faire sa promo. Ah. Alexandre Grave joue son spectacle Rien de Grave au théâtre La Cible tous les jeudis à 19h, qui se trouve 62 bis rue Jean-Jacques. Jean-Jacques Rousseau? Jean-Baptiste. Ma pauvre fille. Non, mais t'as vu comme elle est dégueulasse. Non, mais elle est déglinguée. Enfin. Maurice. Attends, qui c'est qui a cassé Maurice? Et tu prends les pompes funèbres comme prochain sponsor, hein, pour toi débarrasser. Alors. C'est pas possible. Alors. Alors. Jean-Jacques. Oui. La Cible, tous les jeudis à 19h, 62 bis rue Jean-Baptiste Pigalle. 75 Paris. Ah, 9. Et 9. Facebook. C'est dans le 9e, ça. Facebook, Alexandre Grave, humoriste. Voilà. Bon, bah écoute, je crois que c'est parfait. Là, tu pourras même t'en servir, tu peux récupérer l'émission. Récupérer et prendre la promo pour ta boîte vocale. Écoute, voici ma promo. Bon, bah écoute, on te félicite parce que c'était pas. Tu nous as dit c'est la première radio. On te souhaite que la prochaine soit meilleure. Ma première fois, c'est comme c'est ça. Bien. Ça peut pas être pire. C'est ça qu'il faut se dire. Hein, quand t'es venu ici, la première fois. Une fois que t'es passé ici, t'es vacciné pour toi. Alors bien sûr, ce que n'a pas dit Maurice, c'est que pour les réservations, on passe par qui? La Fnac, Billets Réduits et Tutti Quanti. Voilà. T'as pas donné le numéro de téléphone? J'en ai pas. Ah. D'accord. Il faut se connecter sur le site de La Cible. Ouais. Alors on applaudit encore une fois Alexandre Grave qui est avec nous aujourd'hui. Bravo Alexandre. Bon, tu reviendras. Oui. Merci beaucoup. On espère bien. Ouais. Oui, quand tu feras, notamment quand tu partiras en tournée un peu partout en France, en province. Il faudra venir nous le dire pour qu'on puisse annoncer tout ça. Bah j'ai des potes vieux maintenant, je peux avoir des conversations de ouf. Tu vois, c'est ça. Alors, c'était comment la guerre? Excuse-moi, mais tu attends encore 5 ans et t'es pas à l'abri de faire un spectacle en double avec Gad Elmaleh. Allez, on va applaudir encore une fois Aymeric Deguy qui est avec nous. Remercier GG. Ouais. Maurice. Ouais. Merci. Bob du club. À la semaine prochaine, les filles. Frédéric Coster. Ouais. Mission réalisée par Davy. Ouais. Et animée par Marthe Mercadier. Toujours en vie. Allez, on réécoute l'émission sur iTunes, Facebook, la page Facebook, on va se marrer pour la photo qu'on fait ensemble. Et si vous êtes sages, on revient la semaine prochaine. Même punition, même peine. Ouais.